Médaillon de femme par Pierre Vinçard. Bonne et excellente chose que l'amitié. Elle console, rattache à la vie, nous rend bienveillants, dévoués, et rapporte au centuple ce qu'elle a coûté. Deux sculpteurs sur bois, presque des artistes, éprouvaient l'un pour l'autre une vive sympathie, quoique leur caractère fût différent. Gilbert, enjoué, prenant toute chose sous leur aspect le moins triste, n'en était pas moins affectueux et aimant sous ces dehors frivoles. Pascal, au contraire, ne comprenait ni la joie ni le plaisir. Mais son cœur était aussi généreux que celui de son ami. Ces deux hommes ne se quittaient pas, ce qui les avait fait surnommer Oreste et Pylade par leurs camarades d'atelier. Un samedi soir, la journée terminée, ils soupèrent ensemble. Ils se promenèrent ensuite, et tout en causant, ils arrivèrent à la rue Saint-Ambroise. « Monte donc mes 6 étages. Tu verras ma nouvelle demeure. » dit Pascal à Gilbert. « Non, il est trop tard et je suis fatigué, » répondit celui-ci. « Viens donc, c'est demain dimanche et tu dormiras à ton gré. » Entraîné par ses instances, Gilbert monta à la mansarde de son ami et lorsqu'ils furent arrivés au 6e étage, il dit à Pascal « C'est bien où? Est-ce que tu as des relations avec les habitants de la Lune ?»« Que tu es heureux de pouvoir toujours rire, » répondit Pascal. La mansarde qu'il habitait était ornée avec une sorte de coquetterie. Une bibliothèque contenant de bons livres dont quelques-uns étaient reliés, un certain nombre de portraits historiques encadrés avec goût, des fleurs dans un vase posé sur la cheminée, un tapis au pied du lit, tel était à peu près l'unique luxe de cette petite demeure. Certes, il y manquait cet ordre, cette propreté exquise dont les femmes ont exclusivement le secret. Mais enfin, pour une chambre de garçon, il n'y avait pas trop à critiquer. Les yeux étaient même tout d'abord surpris et charmés. Aussi Gilbert ne put-il s'empêcher d'exprimer sa satisfaction lorsque la chandelle eut éclairé la mansarde et qu'il put tout distinguer à son aise. « Tiens, Pascal, dit-il, je voudrais que ma future vit ta chambre en ce moment. Cela lui servirait de modèle pour embellir la nôtre lorsque nous serons mariés. »« Tu crois ? » fit Pascal, ne pouvant contenir un léger mouvement d'orgueil. « Il n'y a pourtant rien d'extraordinaire ici. »« Mais que regardes-tu là si attentivement ? Ah ! C'est ce médaillon de plâtre. Prends garde, ne le brise pas. J'y tiens plus qu'à tout ce que je possède. » Gilbert décrocha le médaillon et continuant à l'examiner. « Voilà des traits qui expriment une grande douceur. Est-ce une fille, une femme, une héroïne ? Non, pour moi, c'est plus encore. C'est une amie. Je devine. Ah, monsieur Pascal, vous êtes sévère qu'on en rayon avec les jeunes filles. Et vous-même, ma foi, je ne suis pas fâché de savoir que ton puritanisme n'était qu'apparent. La première fois que tu nous feras de la morale, je te dénoncerai à tous nos camarades. Mais c'est qu'elle est vraiment jolie, » ajouta-t-il en regardant encore le portrait. « Permets-moi de te féliciter. » Pascal devint soucieux, et d'un ton quelque peu bref, il dit à son ami, « Cesseras-tu bientôt de plaisanter ? Fi, le vilain caractère, comment ? Tu te fâches pour quelques mots ? Quel mal y a-t-il donc à ce que tu aies une amourette ? Ne plaisantons pas à ce sujet, » répondit gravement Pascal. « La femme qui souffre a droit à notre respect, quelle que soit d'ailleurs sa condition. » Il s'arrêta, et son visage prit une expression si douloureuse que Gilbert eut regret de ses paroles et se disposa à partir. Mais Pascal le retint en lui disant, « Tu vois ce portrait, n'est-ce pas ? Celle dont il est l'image m'a empêché de mourir et m'a fait aimer les hommes. » Ma sotte vanité ne découvrait que leurs vices et m'empêchait de voir ce qu'il y a de bon en eux. Oui, sans cette femme, nous ne causerions pas ensemble. Peut-être te détesterais-je. Cela te surprend. Beaucoup, et je t'avouerai même que je ne comprends pas bien. Alors écoute-moi, et si, après m'avoir entendu, tu n'es pas de mon avis, ce sera pour moi une déception à ajouter à tant d'autres. Parle, dit Gilbert en s'asseyant. Par caractère, et cela tient peut-être à ma constitution physique et souffreteuse, je suis, dit Pascal, non pas précisément misanthrope, mais enclin à la mélancolie. Diverses circonstances ont développé ce penchant, et bien souvent, le désespoir m'a étreint de sa main de fer. Par malheur aussi, je n'ai jamais rencontré un adoucissement à mes chagrins personnels. Est-ce ma faute, ou bien dois-je en rendre responsable ceux avec qui j'ai vécu ? Je l'ignore. Ce qui est certain, c'est que, très aimant, je croyais ne pas trouver autour de moi l'affection sincère que j'éprouvais pour les autres. Si les magiciens eussent encore existé, il t'aurait donné un talisman pour voir dans le cœur de tes semblables, et tu auras acquis la preuve que tu n'étais pas le seul à les aimer et à te dévouer pour eux. Mais à défaut de talisman et de magicien, tu as observé, et tes observations t'ont convaincu plus tard de ton erreur. C'est déjà quelque chose. Dès que tu veux être sérieux, tu as presque toujours raison, répliqua Pascal en souriant. Je continue. Mes lectures, qui avec le théâtre étaient mon unique plaisir, augmentèrent ma tristesse au lieu de la vaincre. Saint-Preux, Werther, René et Obermann me paraissaient des types admirables, sublimes, auxquels j'aurais voulu ressembler. Auprès d'eux, tous les hommes me semblaient mesquins et vulgaires. Et maintenant, que penses-tu de tes héros? Ce sont des égoïstes qui placent au-dessus du devoir leur passion et surtout la satisfaction de ces passions. Fort bien. Mais comment expliques-tu cette appréciation? Serait-ce que ce qui plaît à 20 ans semble moins beau à 30 et finit par déplaire lorsqu'on atteint la 40aine? Mais je m'aperçois que je t'interromps toujours, cela ne m'arrivera plus. Après avoir éprouvé de violentes secousses morales, poursuivit Pascal, je tombai dans un tel découragement que la pensée du suicide s'empara de mon esprit. Le jour pendant le travail, la nuit dans mes rêves, dans mes insomnies, cette affreuse pensée me poursuivait, me torturait, et je faillis d'y succomber. Assurément, l'existence d'un homme est peu de chose, rien si on la compare à celle des êtres innombrables qui naissent ou meurent à chaque minute. Quelques larmes promptement séchées, un souvenir que la moindre joie et le temps effacent, et tout est dit. Et pourtant, quitter volontairement, brusquement la vie, c'est une sottise, c'est une mauvaise action. Je sais bien que l'homme objectera le fameux aphorisme « Quand on n'est pas bien dans un logis, il est permis d'en sortir. » Paradoxe que tout cela. Il faut d'abord remplir sa tâche, quelque rude, quelque pénible qu'elle soit. Et ensuite, si on a du temps de reste, on admire les morts volontaires des héros de la Rome républicaine, des sénateurs et des chevaliers dégénérés de la Rome des Césars, et celles de nos Girondins et de nos Montagnards, autrement intéressantes que ces suicides classiques. Si j'avais fait alors ces réflexions, je me serais senti moins malheureux. Une seule personne exerçait sur moi une influence réelle, sans que je m'en rendisse bien compte. C'est la femme dont tu regardes le portrait. Dans une réunion de famille, où je la rencontrais pour la première fois, quelques mots suffirent pour que je la jugeasse digne de ma confiance. Douée d'une extrême sensibilité et connaissant le cœur humain, cette femme possédait une puissance d'attraction que je ne m'expliquais que plus tard. Sa douce causerie, l'élévation de ses sentiments m'attirait constamment, et ce qui te paraîtra peut-être singulier, c'est qu'elle m'en apprit beaucoup plus que tous les livres de morale et de philosophie. En un mot, elle réunissait au plus haut degré la bonté et l'intelligence. Arrivé à ce point de son récit, Pascal se leva, alla à son secrétaire, y prit quelques papiers et les remit à Gilbert en lui disant « Tiens, lis tout haut. Je suis curieux de savoir ce que je pensais il y a 10 ans. Car depuis lors, je n'ai pas relu ce griffonnage. » Jusque-là, Gilbert n'avait osé interroger. Mais il lui tardait de savoir ce qu'était cette femme. Est-elle riche? Est-elle pauvre? Est-ce une artiste? Se demandait-il, lorsque le manuscrit de son ami vint à point pour satisfaire sa curiosité, du moins il le croyait. Et voici ce qu'il lut. Dernière parole. Boire, manger, travailler et dormir chaque jour, c'est ressembler à l'écureuil qui tourne dans sa cage. Pourquoi la naissance? Pourquoi la mort? Problème insoluble. J'ignore d'où je viens et j'ignore où j'irai. L'amitié et l'amour n'existent qu'au théâtre et dans les romans. Celui qui, dans la vie réelle, prend ses sentiments au sérieux doit être regardé comme un malade ou comme un fou. La littérature n'est pas, ainsi qu'on l'affirme, l'expression de la vérité. Elle renferme des phrases arrangées d'une certaine façon et qui souvent n'expriment que des idées fausses et presque toujours les mêmes. Vouloir faire comprendre ce que le cœur éprouve, c'est espérer trouver la pierre philosophale ou le mouvement perpétuel. La sculpture et la peinture ne sont que des arts de convention. Les plus grands artistes n'ont jamais pu reproduire les inimitables beautés de la nature. Certains hommes sont aimés et n'aiment pas, d'autres sensibles, généreux, ayant de l'esprit, de l'imagination, sacrifieraient tout pour qu'un rayon d'amour vînt réchauffer leur existence. Ils restent dans l'isolement. Aucune femme, belle ou laide, ne s'intéresse à eux, ni ne les prend en pitié. « Tu as fini ?» dit Pascal. Oui. Quelle est ton opinion sur ces pensées? À te parler franchement, elles me produisent l'effet de paradoxe. C'est un peu mon avis. Cependant, il ne faut pas oublier que j'étais jeune. Après tout, cela n'a pas grande importance. N'en parlons plus. Mais ce qui me reste à dire en a davantage. À aucun prix, je n'aurais voulu attrister la seule personne qui m'eût donné un bonheur pur et réel. J'allais la voir, cependant, avant de mettre à exécution mon funeste projet, persuadé d'ailleurs que j'étais assez maître de moi-même pour qu'elle ne s'aperçût pas du désordre de mon esprit. Mais je me trompais, et soit que l'expression de mon visage m'eût trahi, soit plutôt que les femmes découvrent presque toujours nos secrets, je reçus le soir même la lettre que voici. Lis-la aussi. Je ne puis m'empêcher d'être ému au souvenir de toutes les douleurs qu'elle me rappelle. Gilbert se dit « Cette fois je saurai au moins son nom » et il lut la lettre suivante. « Mon ami, vous m'avez involontairement tout appris ce matin et je voudrais trouver en ce moment les pensées, les mots qui pourraient vous faire changer de résolution. Je le vois, mon amitié n'a pu la conjurer. Vous m'aviez cependant promis d'y renoncer pour toujours et maintenant… Ah, mon ami, ma pauvre tête s'égare, et je ne sais s'il me reste assez de force pour continuer. Vous avez donc bien souffert. Confiante en votre promesse, j'étais rassuré, et il n'en est rien. Votre amitié m'est nécessaire et votre absence me désespérera. Vous le savez, et cela ne vous arrête pas. Pourquoi n'ai-je pas cette puissance qui entraîne et peut convaincre? Mon cœur, incapable de dompter votre volonté, ne sait que gémir. Une faible lueur d'espérance me reste. Fasse le ciel, que ce que vous me forcez à avouer ne soit pas inutile, et que vous réfléchissiez sur l'acte, je ne sais quel nom lui donner, que vous voulez commettre. J'ai bien souffert aussi, j'ai désiré la mort, je l'eusse accepté comme un bienfait. Eh bien, croyez-moi, quand l'affreuse pensée qui vous obsède se présentait à mon esprit, je la repoussai avec horreur. Ma vie ressemble à celle de beaucoup d'autres femmes, et, aveuglé, fasciné par la passion, j'ai supporté les caprices et les exigences d'un caractère brutal et sans délicatesse. J'ai tout enduré, ne trouvant de compensation que dans un amour que je croyais sincère et durable. Un jour, ah, il faut que ce soit vous, pour que je consente à révéler ce que je n'ai dit à personne. Un jour, il me reprocha de ne plus être assez belle. Et comme à ces mots je ne pus contenir mon indignation, il me quitta en me disant qu'il ne me reverrait jamais. 2 mois après, il se maria. Son épouse l'aime-t-elle autant que je l'ai aimée? J'avais sacrifié ma jeunesse, ma réputation, c'est tout pour une femme, et enfin, j'allais être mère. Sans ce dernier espoir, je serais morte de douleur. Je me promis de reporter toute ma tendresse sur mon enfant et de combler ainsi le vide que me laissait ce lâche abandon. Le sentiment de mon devoir me fit reprendre courage. Pauvre enfant, ce fut une triste nuit que celle de sa naissance, et les premiers baisers que je lui donnais furent mêlés de larmes bien amères. Sans amis pour m'aider, séparé de ma famille qui, depuis mon départ, avait cessé de me voir, je dévorais mes angoisses en silence. C'était au mois de janvier, et à peine pouvais-je réchauffer les membres glacés de mon enfant. Faible, épuisé, je repris mon travail au bout de quelques jours, mais ma faute n'était sans doute pas assez cruellement expiée. Mon enfant tomba malade, devint aveugle et mourut. Je restais dans l'isolement, souffrant sans me plaindre et dédaigné par ceux qui ne comprennent pas l'amour parce qu'ils n'ont pas aimé. Telle avait été mon existence lorsque je vous connus, et votre amitié ranima mon âme désolée. J'ignore si les causes qui vous portent à désespérer ne sont pas plus fictives que réelles, car à votre âge, l'imagination joue un grand rôle. Mais auriez-vous moins de courage que je n'en ai eu? La force vous manquera-t-elle? Ne pourrez-vous trouver des consolations en vous rendant utile? Il y a, en ce monde, trop peu d'êtres bons et généreux pour qu'ils aient le droit de le quitter avant que la mort les réclame. Après tout ce que j'ai supporté, ne me condamnez pas à un nouveau malheur. Vous n'êtes pas seul à souffrir. Chacun a sa part de misère. Regardez autour de vous et le peu de bien que vous pourrez faire vous aidera à supporter l'existence. Agir autrement serait une désertion. Vous m'avez dit souvent que j'exerçais une grande influence sur votre esprit et que vous désiriez me prouver votre reconnaissance pour les quelques bons conseils que j'ai pu vous donner. Je réclame aujourd'hui l'accomplissement de votre promesse et l'aveu que je viens de vous faire m'y autorise. j'attends avec anxiété votre réponse. Dois-je vous dire au revoir ou adieu ? Adieu. Ah, cela ne peut être. Votre ami. Un long silence suivit la lecture de cette lettre. Des larmes roulèrent dans les yeux de Gilbert et Pascal retomba dans ses rêveries. Ce fut Gilbert qui rompit l'entretien. « Que répondis-tu ? » demanda-t-il. « Ceci. Vous m'avez sauvé. Je ferai mon devoir. » J'eus honte de ma faiblesse et je renonçai pour toujours au suicide. Gilbert reprit le médaillon et ne pouvant retenir sa curiosité. « Quel âge avait-elle ? » demanda-t-il encore. « 30 ans. Et sa profession ? Blanchisseuse. » Gilbert ne put réprimer un sourire ironique. « Cela te fait sourire ?» continua Pascal avec vivacité. « Tu aurais préféré qu'elle eût un métier moins pénible, moins utile, quelque chose de plus élevé, celui d'actrice, par exemple ?»« Je ne dis pas cela. Pourtant, je ne saurais te dissimuler que d'ordinaire les blanchisseuses ne connaissent pas aussi bien l'orthographe et n'emploient pas dans leurs lettres des expressions aussi bien choisies. Tout est étrange dans ton histoire. » « Elle n'en est pas moins vraie. Quant à ton observation, je vais y répondre. La femme dont tu viens de lire la lettre est, j'en conviens, une exception, non par ses malheurs ou son exquise sensibilité, mais par l'instruction qu'elle s'est elle-même donnée. Après la mort de son enfant, une petite fille abandonnée par ses parents est venue lui demander l'aumône. Elle l'a recueillie, l'a élevée. Et ayant remarqué qu'elle était intelligente, cette blanchisseuse s'est mise à étudier pour pouvoir elle-même instruire sa fille adoptive. Tout cela est en effet très singulier, et ce qui ne l'est pas moins, c'est que cette femme exerce laborieusement son métier depuis le matin jusqu'au soir et n'a aucune prétention littéraire ou autre. « Comment se nomme-t-elle ? » demanda Gilbert, toujours emporté par sa curiosité. « Que t'importe ? » « Au fait, c'est vrai. Dis donc, il est probable que tu en aies devenu amoureux et qu'elle t'a fait oublier tes souffrances ?» « Je pourrais ne pas te répondre, mais puisque tu veux le savoir, apprends que je n'eus pas la sagesse de résister. Les hommes ne sont jamais contents, ils risquent tout pour obtenir un peu plus. C'est là, tu le sais, une maladie qui ne date pas d'aujourd'hui. Au surplus, béni soit-il jusque dans les entrailles de sa mère, le savant docteur, moraliste ou autre, qui nous débarrassera de cette maladie. Oui, toujours la fable du chien qui lâche sa propre ombre. Je ne vaux pas mieux qu'un autre. Et je me hasardais à laisser entrevoir à celle à qui je devais une nouvelle existence que je désirais plus que son amitié. Elle reçut mon aveu avec une touchante bonté, mais en me disant qu'elle ne pouvait accepter mon amour. Les sanglots brisaient sa voix, et lorsque, pour la calmer, je lui affirmais que je l'épouserais, ce que j'eusse fait, certainement, elle me répondit « Pascal, j'ai 10 ans de plus que vous, et c'est trop pour que nous soyons heureux. Vous ne connaissez que mes qualités et vous ignorez mes défauts. Notre amitié pure, respectons-la. En m'épousant, qui sait, si dans 1 an ou 2, vous ne le regretteriez pas. Je désire sincèrement votre bonheur, et je me repentirai de troubler votre existence. Ne soyez donc en moi qu'une amie dévouée. Je ne me marierai jamais, et puis je ne saurais mentir. » Elle n'acheva pas, et je crus comprendre qu'elle aimait encore celui qui l'avait abandonné. Il était tard, et les deux ouvriers se séparèrent, Gilbert disant à son ami « Je te remercie de la leçon que tu viens de me donner, elle me profitera. » Dès qu'il fut seul, Pascal considéra longtemps le cher médaillon. Avant de le remettre en place, il le mouilla même de quelques larmes. « Pauvre fou, dira-t-on, pourquoi ces grands sentiments, pourquoi ces larmoyants regrets ? Qu'il reprenne donc sa gouge et son marteau, et qu'il oublie. » Lui-même, d'ailleurs, n'a-t-il pas prétendu que l'amitié et l'amour n'existent qu'au théâtre et dans les romans ? Erreur. Quand Pascal avançait ce paradoxe, il ne connaissait ni l'amour ni l'amitié. Ainsi s'achève Médaillon de femme de Pierre Vinçart.